Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, un fait divers qui a secoué la France, le meurtre d'une jeune femme de 29 ans, Alexia Daval. Le 28 octobre 2017, un homme paniqué franchit les grilles de la gendarmerie de la petite ville de Grès, en Haute-Saône. Il s'appelle Jonathan Daval. Il assure que sa femme Alexia n'est pas revenue de son jogging. Des recherches sont lancées et deux jours plus tard, son cadavre est retrouvé en partie calciné. Très vite, les caméras se braquent sur la famille de la victime et en premier lieu sur le mari, Jonathan. Les images montrent un homme inconsolable, un veuf effondré par la disparition de celle qu'il aimait tant. Mais trois mois plus tard, fin janvier 2018, coup de théâtre, l'homme est placé en garde à vue. Au bout de quelques heures, il avoue, oui, il a bien tué Alexia. Mais ce n'est pas l'épilogue. Cette affaire n'a probablement pas livré tous ses secrets. D'ailleurs, Daval n'est pas encore jugé. Une fois n'est pas coutume, nous ne sommes pas aujourd'hui dans un cold case, car cette affaire est en cours. Notre invité aujourd'hui, Nicolas Bastuc, ancien directeur régional de l'Est républicain, journal vendu notamment à Grès, qui a couvert cette affaire. Nicolas Bastuc est maintenant rédacteur en chef adjoint au Point. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Guillaume Balandras, coordination Christophe Barrère, réalisation Coyen Nguyen. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Octobre 2017. C'est un samedi d'automne paisible, genre rien à signaler. Un samedi comme tous les autres qui s'annonce dans la commune de Grès, en Haute-Saône. À mi-chemin entre Besançon et Dijon, Grès est une ville calme, 6000 habitants à peine, réputée pour son patrimoine architectural typiquement franc-comtois et son musée d'histoire naturelle. À midi et quart, un jeune homme pousse les grilles de la gendarmerie. Il a 33 ans. Il s'appelle Jonathan Daval. Il habite dans la commune limitrophe de Grès-la-Ville, avec sa femme, Alexia, qui ce jour-là a quitté leur pavillon 3 heures auparavant pour son jogging. Alors elle n'est pas rentrée. La jeune femme est sortie sans son téléphone. Et ce n'est pas dans ses habitudes de partir aussi longtemps sans donner de nouvelles. Jonathan a d'abord pensé qu'elle était passée chez ses parents, Isabelle et Jean-Pierre, pour voir sa sœur Stéphanie. Alors il a appelé, dit-il. Mais personne n'a vu la jeune femme aujourd'hui. Habituellement, son jogging ne dure pas plus de 45 minutes. Alors, que s'est-il passé? Où est Alexia? A-t-elle été enlevée? Dès les premières heures, l'affaire passionne l'opinion publique. Une ville tranquille, une joggeuse disparue en plein jour. Les premières dépêches tombent et les journaux relaient la nouvelle, comme ici sur France 2. Où se trouve Alexia Daval, cette femme de 29 ans partie de son domicile hier matin pour un footing? Sa sortie dans ce secteur situé près de la Saône était censée durer une quarantaine de minutes, mais 3 heures plus tard, elle n'était toujours pas rentrée. Pour le moment, les enquêteurs ne négligent aucune piste et lancent un appel à témoins. Alexia Daval mesure 1m70, a les cheveux mi-longs et portait hier une tenue de sport. Toute personne susceptible de fournir des informations est priée d'appeler le 17. Le visage de la jeune femme est largement diffusé dans toute la presse. Et sa photo marque les esprits. Alexia Daval est une jeune femme blonde aux yeux clairs, 29 ans, qui travaille comme conseillère clientèle dans une banque de Besançon. Sportive, elle pratique la course à pied régulièrement. Elle mène une vie apparemment très normale, une vie comme celle de millions de Français de la classe moyenne. Assis dans un bureau de la gendarmerie, Jonathan Daval est bouleversé. Visage rond et cheveux courts coiffés en brosse, c'est un trentenaire discret, presque fragile, un garçon pas très grand, aux allures d'adolescent. À vrai dire, il semble inoffensif. Il travaille comme informaticien dans une PME du coin. Entre deux crises de larmes, il dessine aux enquêteurs les contours d'une vie de couple ordinaire. Alexia et lui se sont mariés 2 ans auparavant, en 2015, après s'être fréquentés pendant une dizaine d'années. Voilà plusieurs mois qu'ils se sont installés dans un pavillon rose pâle au volet blanc dont Alexia a hérité de ses grands-parents. Ces deux-là forment un couple inséparable, comme on dit, à la vie saine et au bonheur simple. Leur chat, le sport, les barbecues, les après-midi piscines ou les soirées karaoké. Et depuis quelques mois, ils souhaitent avoir un enfant. Comme ça, le tableau est complet, bien dans la norme. De ce point de vue, pas une tête de dépasse. Mais c'est aussi pour cette raison que la disparition d'Alexia Daval est inquiétante. Pas le genre, en effet, à prendre un chemin de traverse. L'habitude l'emporte toujours. Alors oui, vraiment, elle devrait être rentrée depuis longtemps. Les gendarmes de Grès préviennent leurs collègues de Besançon et très vite, une équipe se lance sur la piste de la joggeuse disparue. On le sait, lors d'une disparition, les premières heures de l'enquête sont cruciales. Ainsi, dès 14h, ce 28 octobre, près de 200 militaires se déploient dans les environs de la commune. Des équipes cynophiles sont déployées et des drones survolent les bois voisins. Le trajet que la jeune femme a l'habitude d'emprunter est passé au peigne fin. Aucun témoin fiable ne semble avoir croisé sur ce parcours pourtant très fréquenté et aucune image de vidéosurveillance n'est exploitable. Cependant, un élément tend à valider l'hypothèse de l'enlèvement. Car sur une portion du chemin, les chiens policiers retrouvent la trace de la joggeuse. Ils la pistent sur quelques centaines de mètres, mais s'arrêtent net à un croisement avec la route nationale. Parce que, après, plus rien. Alexia s'est volatilisée. Alors, a-t-elle été agressée par un automobiliste? Un accident qui a mal tourné, peut-être? Ou bien un rôdeur? Un prédateur sexuel? Mais surtout, comment a-t-elle pu disparaître en pleine journée? Une équipe de plongeurs sonde alors un tronçon de la Saône. Sur la rive, les parents de la jeune femme, Isabelle et Jean-Pierre Fouillot, assistent à la scène, impuissants, rongés par l'inquiétude. Leur témoignage est recueilli par une caméra de France 3. C'est un trajet qu'elle avait l'habitude de faire, d'après ce qu'on sait. Après, est-ce que le trajet il a pu être changé? C'est possible aussi. On est dans l'incertitude complète. J'attends juste qu'il la retrouve en saine et sauve, en vie. On a besoin d'elle. Si quelqu'un a des nouvelles, qu'il nous fasse savoir au plus vite, qu'il alerte la gendarmerie, parce que on voudrait que ça aille vite. On trouve le temps très très long. J'espère qu'elle est en vie. Faites-nous la revenir, s'il vous plaît. Merci. Un peu plus tard, Isabelle et Jean-Pierre Fouillot se rendent à la gendarmerie. Les enquêteurs veulent établir l'emploi du temps de la jeune femme et en savoir plus sur sa personnalité. Ainsi, ils apprennent que pour cette semaine de la Toussaint, Alexia a pris quelques jours de congé. Sa sœur Stéphanie est de passage dans la région avec son mari et leurs enfants. D'ailleurs, la veille au soir, le vendredi, toute la famille s'est rassemblée chez les parents d'Alexia. On a joyeusement fêté l'anniversaire du fils de Stéphanie autour d'une raclette. D'après les participants, tout s'est passé normalement. Et Alexia et Jonathan étaient tous les deux de bonne humeur. Après le repas, autour de 23h, ils ont regagné leur domicile. Et à partir de ce moment, plus personne ne verra Alexia vivante, à l'exception de son mari. Les parents de la jeune femme décrivent Jonathan comme un homme discret, toujours tiré à quatre épingles. Mais surtout, il est un mari prévenant, attentionné, et ce depuis le début. Alors, il a été accepté et intégré dans sa belle famille comme un fils. Malgré cette description plutôt flatteuse, les gendarmes ne le sentent pas, ce Jonathan. D'abord, depuis son arrivée chez eux, à midi et demi, il parle de sa femme à l'imparfait. Et puis, il n'arrête pas de sangloter, comme si tout était déjà perdu. Aussi, dès qu'on lui pose des questions sur son couple, il accuse Alexia de tous les péchés. Selon lui, elle serait devenue autoritaire, agressive, violente, même depuis qu'elle prend un traitement hormonal pour être enceinte. Dans le petit bureau de la caserne, les gendarmes laissent parler le jeune homme et ils l'observent. Et un détail physique attire leur attention. Ils remarquent en effet les traces de griffures présentes sur l'avant-bras de Jonathan, des empreintes d'ongles apparemment récentes qui ont lacéré sa peau sur plusieurs centimètres. Les enquêteurs lui demandent une explication. en sanglots, le jeune homme répond que la veille au soir, après la soirée raclette, Alexia et lui se sont disputés. Elle aurait piqué l'une de ces crises de violence dont elle est coutumière, et il aurait riposté. Voilà. Rien de très grave, assure-t-il. La situation, d'ailleurs, s'est calmée peu après, et le couple s'est endormi dans la foulée. Et il le jure. Oui, il est incapable de faire du mal à sa femme. Il l'aime tellement, passionnément, il l'admire même. Dans l'après-midi, les gendarmes laissent repartir le jeune homme. Mais en vérité, ils ont déjà décidé de ne plus lâcher. Alors, consciencieusement, ils choisissent de ne pas laisser filtrer certains éléments à la presse, notamment ces fameuses traces de griffures. C'est que l'affaire s'annonce très médiatisée et il ne faut surtout pas polluer l'enquête. Officiellement donc, Jonathan Daval reste au-dessus de tout soupçon. En parallèle, les équipes de gendarmerie poursuivent les recherches sur le terrain avec un objectif, évidemment, retrouver Alexia. Et bientôt, toute la ville les rejoint. Pourquoi vous êtes venu vous joindre ? C'est ma belle-sœur. C'est important, j'imagine, de voir tout le monde comme ça. Tout à fait, oui. Je connais sa tante qui travaille avec moi. J'ai travaillé avec sa maman également. Donc, je les ai connues petites, ses filles. J'espère qu'elle est blessée et qu'on va la retrouver quelque part, quoi. Qu'elle puisse pas se déplacer, que c'est ça qui l'empêche de bouger. Et que, voilà, c'est ce que j'espère. Il n'y a personne à gauche. Le lendemain de la disparition, le dimanche 29 octobre, des battues citoyennes sont organisées dans les alentours de Grès et un hélicoptère de la gendarmerie est mobilisé. Ils sont des centaines à ratisser les environs, rivières, ravins, forêts. Tout est fouillé. En vain, Alexia reste introuvable. Le lundi 30 octobre, les battues reprennent. L'une des équipes de gendarmes doit s'occuper de ratisser le bois de Vèvre, situé sur la petite commune des Moulins. C'est une petite forêt de bouleaux, le long de la Saône, à 4 km à peine du domicile de Daval. Autour de 15 heures, un gendarme est alerté par une forme étrange entre deux troncs d'arbres. Il s'approche. Après quelques mètres, il s'arrête, car devant lui, c'est une vision d'horreur. Le cadavre d'une jeune femme repose là, entre les arbres, sur un tapis de feuilles mortes. Le corps est partiellement calciné et il a été camouflé grossièrement avec des branches. Immédiatement, le périmètre est bouclé. Toutes les équipes de gendarmerie sont mobilisées. En ville, la nouvelle de la découverte macabre se répand comme une traînée de poudre et les journalistes présents convergent vers la scène de crime. Pour le moment, les autorités se refusent d'affirmer qu'il s'agit bien d'Alexia. Mais tout le monde l'anticipe, comme l'explique ce reportage de France 3. La découverte était tant redoutée, c'est dans ce bois isolé, sous des branchages, que le corps carbonisé a été retrouvé. Pour l'heure, le procureur de la République de Vesoul se refuse à prononcer le nom d'Alexia. Cet après-midi, un corps a été découvert tout près d'ici, dans la commune de Velay, dans un bois. C'est le corps d'un individu plutôt jeune, qui est fortement dégradé, puisqu'il semblerait qu'effectivement, la personne qui l'a amené l'a brûlé. Et donc c'est la raison pour laquelle j'ai ouvert désormais une enquête pour assassinat. À Grès, où la population s'est fortement mobilisée lors des recherches, la découverte macabre est un choc. Je demande aux gens de rester bien mobilisés, de rester bien ensemble. Et je demande aussi aux gens, voilà, sans aller vers une psychose ou sans avoir cet esprit-là, de rester bien unis et surtout ne jamais sortir seul. Parce que oui, l'inquiétude, elle est réelle. Sur les lieux du crime, les lignées de la section de recherche de Besançon s'affairent. Et les premières constatations sont effectuées. Aucune trace de lutte, ni de mise à feu. La jeune femme n'est pas morte sur place. L'assassin est très probablement arrivé en voiture avant de déposer le cadavre. D'ailleurs, juste à côté du corps, sur le chemin, des traces de pneus récentes intriguent les gendarmes. Alors on fait des moulages. Pour les enquêteurs, tous laissent à penser que le crime a été commis dans la précipitation. Quelques heures plus tard, l'identité du corps est révélée. Et il s'agit bien d'Alexia Daval. La petite ville de Grès meurtrie. Ici, tout le monde ou presque connaît Isabelle et Jean-Pierre Fouillot, ses parents. Ils sont les propriétaires d'un bar PMU dans le centre-ville. par définition, lieu de convergence sociale. C'est un couple tranquille, accueillant, travailleur, pas le genre à faire des histoires. Alors spontanément, des habitants de toute la région viennent témoigner leur affection. Devant le bar, des centaines de roses, de peluches, de petits mots sont déposés. Dans les jours qui suivent, certaines langues se délient. On parle d'un homme qui importunerait les joggeuses jusqu'à les suivre sur leur chemin. Plusieurs habitantes racontent des anecdotes troublantes. Et bientôt, le spectre du rôdeur solitaire vient hanter les gens du coin. Et la peur s'abat sur la ville. Les femmes évitent de se déplacer seules, on ferme sa porte à double tour. On sait toujours pas vraiment ce qui s'est passé, donc on a toujours peur de sortir. Peur d'aller à l'école chercher nos enfants à pied, par exemple. Bon, on n'a plus aucune nouvelle, on sait pas ce que ça donne. Vous savez quoi, j'ai peur que ça prenne du temps et du temps et du temps. Moi, je m'inquiète pas trop parce que je sais que quand il fait nuit, mes parents m'ont dit « fais attention » et tout. Mais c'est plus les parents qui ont peur que nous qui nous inquiétons. On est inquiets. On a tous des enfants, Puis vu ce qui s'est passé, c'est des choses horribles. C'est terrible parce que nous pouvons imaginer qu'il y a un individu malfaisant qui habite dans un périmètre de 10 km. Je crois qu'aujourd'hui, on en est quasiment certains et ça, c'est terrible. On n'arrive pas à y croire parce qu'il ne faut pas être humain pour faire des choses pareilles, je pense. J'ai un peu de mal. Je suis triste. On est très solidaires encore avec cette famille, bien sûr. Et comme on ne sait rien encore, ou du moins on suppose des choses, mais c'est tout, on attend. Précisons également que la mort d'Alexia intervient dans un contexte particulier. L'affaire Weinstein vient d'éclater un mois auparavant, et grâce au mouvement MeToo qui a suivi, les violences faites aux femmes sont devenues un véritable sujet de société. Enfin, le meurtre d'Alexia dépasse donc très vite le cadre du fait divers et dans tout le pays, on parle de la mort de la jeune joggeuse. Les hommes et femmes politiques montent au créneau et des centaines de milliers de personnes expriment leur indignation et leur colère sur les réseaux sociaux. L'affaire enfle immédiatement et la ville de Grès, d'habitude si calme, se retrouve propulsée au centre du débat public. De leur côté, les enquêteurs restent discrets et travaillent avec acharnement. Ils veulent progresser rapidement et connaître les causes de la mort d'Alexia. Début novembre, les résultats de l'autopsie sont très partiellement dévoilés à la presse. Le parquet reste toujours très discret, comme ici, sur France 3. Après plusieurs jours de doutes et d'incertitudes, l'enquête sur le meurtre d'Alexia Daval vient de franchir un palier. Dans un bref communiqué, le parquet de Besançon certifie que l'autopsie de la victime, commencée hier, a été concluante. L'autopsie a permis de conclure un certain nombre d'éléments intéressants pour l'enquête. On connaît les raisons de la mort d'Alexia, mais des examens complémentaires sont encore nécessaires. Les médecins légistes ont-ils découvert des blessures par arme blanche, par balle? Ont-ils décelé des fractures? Les enquêteurs préfèrent ne pas en dire plus. Comme le rappelle ce reportage, les gendarmes sont peu disert sur les raisons de la mort de la jeune femme. Ils ne disent pas, par exemple, qu'elle a reçu une avalanche de coups à la tête avant de mourir par asphyxie. Car, en réalité, son visage est couvert de lésions. Alexia a été massacrée. L'autopsie montre aussi qu'elle s'est défendue jusqu'au bout, au point de se retourner les ongles et d'en arracher certains. En revanche, son corps ne présente pas de traces de viol ni de choc accidentel. Le mobile ne semble donc pas sexuel. Et l'hypothèse de l'accident de la route est écartée. Pour les gendarmes, tous ces éléments ne font que renforcer leur suspicion envers Jonathan Daval. Mais ils ne veulent rien précipiter, surtout pas. Ils continuent donc leurs investigations dans la discrétion. Run from me, darling. Run, my good wife. Run from me, darling. You better run for your life. And each time I see you, I contemplate what I love most of all, your swinging gate. Run from me, darling. Run, my good wife. Run from me, darling. You better run for your life. Run, run, run, run, run, run, run, run, run. Début du mois de novembre 2017, la mort brutale d'Alexia Daval fait la une des journaux dans toute la France. En Haute-Saône, dans la petite ville de Grès, la famille de la jeune femme reste soudée dans la douleur et la ville est toujours à son chevet. Le dimanche 5 novembre 2017, 8 jours après la disparition de la jeune femme et 6 après la découverte de son corps, une grande marche blanche est organisée à Grès. Dans les rues, un cortège silencieux de 8000 personnes défile lentement. Ces gens-là, ils sont nombreux à penser que le meurtrier marche peut-être parmi eux, comme une ombre au milieu de la foule. Au premier rang, tous les proches d'Alexia sont là. Ses parents, sa grande sœur, ses collègues, ses amis et, bien évidemment, Jonathan. Dans le centre-ville, à côté de la mairie, une estrade a été installée. Devant les habitants regroupés, plusieurs discours sont prononcés dignement. Les parents d'Alexia lancent un appel à célébrer la vie de leur fille. Les caméras de télé retransmettent l'événement. Permettez-moi de vous remercier d'être présents aussi nombreux aujourd'hui, en ce dimanche, pour rendre hommage à Alexia. Dans ce moment particulièrement éprouvant pour nos familles, l'ensemble des témoignages que nous avons pu recevoir et que nous recevons encore nous apporte une aide et un réconfort précieux. Il faut qu'Alexia reste dans la mémoire collective, pour ne plus que cette horreur se reproduise. Continuez à courir, à nager, à vous entraîner. C'est ce que ma fille voudrait. Merci. Jonathan, lui, peine à tenir debout. Le visage marqué, les yeux plissés, il est soutenu à bout de bras par ses beaux-parents, qui l'encouragent à dire quelques mots. Alors, le jeune homme s'avance, timidement, devant le micro, et sort de sa poche un discours. Mon épouse et moi partageons la même soif de liberté. à travers mes activités sportives. Alexia aimait nager et courir, passion qui nous réunissait, tant dans l'effort que dans l'épanouissement de notre couple. Elle était ma première supportrice, mon oxygène. Noyés dans la foule, quelques gendarmes de la section de recherche assistent à la scène. Ils le savent. Les réactions d'un proche de victime sont souvent imprévisibles, mais celles d'un meurtrier peuvent l'être tout autant. Alors, ses larmes. S'agit-il des pleurs d'un veuf en détresse, des pleurs sincères? Ou bien ses larmes ont-elles une signification plus complexe, plus sombre? Dans la ville, de plus en plus d'habitants commencent à mettre en doute l'honnêteté du jeune homme. Parce qu'il en fait trop, Jonathan. Il semble plus s'apitoyer sur lui-même que sur sa femme, entend-on ça et là. Trois jours plus tard, le 8 novembre 2017, les obsèques d'Alexia sont organisées dans la basilique de Grès. Sur le parvis, plusieurs photos de la jeune femme sont disposées. Son sourire timide et son regard doux dévisagent les visiteurs. Autour de la ville, à nouveau réunis, la famille Fouillot enterre sa petite dernière. Une habitante se confie au micro de France 3. Je la connaissais un peu. Je travaillais à la banque où je suis. Quand j'ai appris la nouvelle, c'est pas possible. C'est dur pour tout le monde, c'est dur pour les parents, c'est dur pour ceux qui la connaissaient. À l'abri des micros, ils sont de plus en plus nombreux à s'interroger sur Jonathan. D'ailleurs, dans les jours qui suivent les funérailles, dans les ruelles, au supermarché ou devant l'école, une rumeur commence à circuler. Daval aurait tué sa femme. Après tout, lorsqu'une femme est assassinée, le mari est très souvent mis en cause. Enfin, c'est souvent la première piste, écartée ou pas, rapidement ou pas. Et puis, personne n'a vu Alexia courir ce matin du 28 octobre. Bien sûr, les chiens policiers ont pisté l'odeur de la jeune femme, mais une odeur peut rester plusieurs jours sur un chemin, surtout quand il ne pleut pas. Pour les parents d'Alexia, pour les amis et collègues de Jonathan, il ne s'agit que d'une odieuse hypothèse élaborée par des enquêteurs du dimanche qui spéculent. Le 14 novembre, deux semaines après le crime, l'avocat de Jonathan, Randall Schwerdorfer, témoigne de la façon dont son client vit ces bruits de couloir. C'est quelqu'un qui est très étonnant parce qu'il est très calme, il est extrêmement posé. On sent une très grande souffrance en lui suite au décès de son épouse. Mais c'est pas quelqu'un de belliqueux, c'est quelqu'un de serein. Par contre, c'est aussi quelqu'un de très touché par certaines rumeurs qui pèsent à son encontre. Alors que pense-t-il de ces rumeurs? C'est vrai que ça s'emballe un peu, on parle beaucoup de lui. N'en pense rien, il est complètement atterré, consterné. Qu'il puisse y avoir des rumeurs sur lui. Il adorait son épouse, c'était un couple, un jeune couple, très proche, qui n'avait pas de difficultés particulières. Il ne comprend pas. La rumeur fait état d'une dispute qui aurait eu lieu la veille. J'ai eu des éléments d'information par rapport à cette rumeur de dispute et les causes de cette dispute. Je peux vous assurer qu'il n'en est strictement rien. Voilà. Je ne dirai pas pourquoi je le sais, mais j'ai notamment parlé avec la famille d'Alexia et je peux vous assurer que cette rumeur est complètement ridicule. Tous ceux qui connaissent le mari d'Alexia sont catégoriques. Il est incapable de violence. Tiens, il y a ce collègue, par exemple, qui se souvient du samedi de la disparition d'Alexia et de sa rencontre avec Jonathan. C'était à 10h45, soit une heure et demie avant qu'il n'alerte la gendarmerie. Le collègue en question raconte que Jonathan est venu chercher une imprimante, tout sourire. Est-ce qu'un meurtrier se comporterait ainsi? Impossible, selon lui. Finalement, l'émotion des premiers jours retombe. Deux semaines après la mort d'Alexia, Isabelle et Jean-Pierre rouvrent leur commerce. Ils souhaitent reprendre le travail, mais vivre leur deuil dans l'intimité. Ainsi, sur la vitrine du bar, les clients peuvent lire ces mots. Votre silence est le plus beau des hommages. Merci de respecter notre sérénité. De son côté, Jonathan semble toujours aussi fragile. On le voit errer au fond de l'établissement de ses beaux-parents, la tête baissée devant un chocolat chaud, l'air abattu. Loin des rumeurs et des fantasmes, les gendarmes poursuivent l'enquête. Ils s'intéressent notamment aux traces de pneus qu'ils ont découvertes près du lieu où se trouvait le corps. Les roues de l'utilitaire du jeune informaticien sont donc étudiées. Or, Le modèle correspond. Quelques jours plus tard, fin novembre, les gendarmes font une analyse poussée de la voiture, notamment de son ordinateur de bord. Et là, le résultat est sans appel. Le véhicule a parcouru plusieurs kilomètres pendant cette fameuse nuit du 27 au 28 octobre. Jonathan a donc menti sur son emploi du temps, lui qui assurait qu'il était resté à la maison avec Alexia. À ce stade, les indices s'accumulent contre le jeune veuf. Il faut désormais le mettre face à ses contradictions. Le lundi 30 janvier 2018, à 9h du matin, les voitures de la gendarmerie freinent devant le pavillon des Laval à Gréla-Ville. Jonathan est arrêté, puis placé en garde à vue. L'homme est emmené dans les locaux de la brigade de Besançon, et il ne semble pas vraiment surpris. Le public découvre alors tous les éléments qui étaient jusque-là restés secrets, cachés dans le dossier d'enquête. Les traces de griffures, les analyses de la voiture. Et là, le choc est immense pour l'opinion. Les chaînes d'information continuent à interrompre leur programme et mettent en place des éditions spéciales. Des centaines de journalistes sont envoyés à Gré. Tout le pays parle à nouveau de l'affaire. Je connais juste les parents de la jeune femme. C'est tout. Et voilà, l'enquête va se poursuivre. Et voilà, on attend tous les résultats. Moi, j'en pense rien tant que je ne sais pas, tant que le procureur n'a rien dit. Moi, ça ne me regarde pas. C'est surtout ce que les gens disent. Les gens, ils racontent plein de choses et normalement, ça c'est... Non, je suis pas d'accord. Dans les locaux de la brigade de Besançon, on présente une à une les preuves à Jonathan Daval. Le lendemain 31 janvier, à 15h50, après une vingtaine d'heures de détention, le jeune homme craque. Oui, il a tué Alexia. Dans la soirée du vendredi 27 octobre, après qu'ils sont revenus de chez ses beaux-parents. Fait exceptionnel, ses aveux sont quasiment commentés en direct sur les plateaux de télé. Ainsi, ce 31 janvier, l'avocat de Jonathan explique le scénario de la soirée fatale au micro de France 3. Ils avaient une relation de couple avec de très fortes tensions, qu'Alexia avait une personnalité écrasante, qu'il se sentait complètement écrasé, rabaissé, et qu'à un moment, il y a eu des mots de trop. Nous défendrons un jeune garçon qui, dans une crise de couple, a effectivement, de façon accidentelle, occasionné la mort de son épouse. D'après l'avocat, en effet, la mort d'Alexia serait involontaire, le résultat d'une dispute qui aurait mal tourné, le moment de folie passagère d'un homme à bout, dominé par une épouse autoritaire. L'avocat est dans son rôle. À Gré, les parents d'Alexia sont effondrés. Jusqu'au bout, ils n'ont pas voulu croire les rumeurs. Alors, ils se sentent trahis doublement. Pendant 3 mois, Jonathan a gardé le silence. Chaque soir ou presque, il s'est assis à leur table. Ils l'ont aimé comme un fils, alors qu'il a vraisemblablement tué leur fille. À Gré, le malaise est palpable. Certains voient leur intuition validée, alors que d'autres se sentent trahis, comme semble le suggérer ce micro-trottoir. On n'y croyait vraiment pas, quoi. Je veux dire, on a eu Jonathan et on l'a eu à côté de nous tout le temps quand on a fait la course, quand on a remis un bouquet de fleurs devant le PMU, quoi. Donc je veux dire, il était là. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui se sont sentis trompés, trahis. Moi personnellement, j'ai toujours défendu, je vous le dis, je vous le redis, j'y croyais pas une seule seconde, c'est jamais passé dans ma tête, jamais. Tout le monde quand même avait un doute, tout le monde se posait plusieurs questions, savoir... Où est-ce qu'il était? Est-ce qu'il était dans le groupe parmi eux? Tout le monde se posait sûrement plein de questions. Et aujourd'hui, de savoir qui est l'auteur présumé, je pense que ça fait du bien. Sans la mise en scène de Laval et cette fiction inventée de la joggeuse enlevée, l'affaire aurait peut-être occupé une dizaine de lignes dans les colonnes d'un quotidien, tout au plus. Car Alexia semblait bel et bien victime d'un mal répandu, un mal dramatiquement quotidien, la violence conjugale. Ainsi, le jour des aveux de Jonathan, sur le site du journal Libération, la journaliste Titu Lecoq remet à jour la liste macabre qu'elle tient depuis le début de l'année. Alexia Laval, redevenue Alexia Fouillot, devient la 127e femme en 2017, morte sous les coups de son conjoint et dans ce cas sous une forme paroxystique de violence. Après sa confession, Jonathan Laval est mis en examen, écroué à la prison de Dijon. Aujourd'hui encore, plusieurs zones d'ombre subsistent autour de l'affaire. Pourquoi et dans quel endroit le corps a-t-il été brûlé? Le meurtrier présumé a-t-il reçu de l'aide d'une tierce personne pour déplacer le cadavre? Mais aussi, pourquoi a-t-on retrouvé dans le sang d'Alexia des doses importantes de tramadol, un antidouleur puissant proche de l'opium, alors que personne ne lui en a jamais prescrit et que la substance est contre-indiquée pour les femmes qui veulent faire un enfant? Enfermé à l'isolement, Jonathan Laval attend son procès prévu pour 2020. Le 26 juin 2018, il a été examiné par un psychiatre. Il raconte qu'il dort bien et que la nuit, il rêve souvent d'Alexia. Parfois, elle se retrouve dans leur maison, dit-il. Il est avec elle, elle lui sourit, leur chat vient les réveiller au pied du lit. Il rêve aussi de tous ces bonheurs simples qu'ils ont partagés, un repas de famille, des vacances au bord de la piscine. Et il conclut par cette phrase « Tout le monde est heureux, tout le monde est comme avant ». Agré, tout le monde pense le contraire. Non, plus rien ne sera jamais comme avant. What do you want from me? Why don't you run from me? What are you wondering? What do you know? Why aren't you scared of me? Why do you care for me? When we all fall asleep, where do we go? Come here. Say it, spit it out. What is it exactly? Your pain is the amount cleaning you out. Am I satisfactory? Today I'm thinking about the things that are deadly. The way I'm drinking you down, like I wanna drown, like I wanna end me. Step on the glass, staple your tongue. Bury a friend, try to wake up. Cannibal class, killing the sun. Bury a friend. I wanna end me. I wanna end me. I wanna end me. I wanna. What do you want from me? Why don't you run from me? What are you wondering? What do you know? Why aren't you scared of me? Why do you care for me? When we all fall asleep, where do we go? Listen. Keep you in the dark. What had you expected? Me to make you my art and make you a star and get you connected. I'll meet you in the park. I'll be calm and collected. But we knew right from the start that you'd fall apart, cause I'm too expensive. Your talk would be something that shouldn't be said out loud. Honestly, I thought that I would be dead by now. Calling security, keeping my head held down. Bury the hatchet or bury your friend right now. The debt that I owe, gotta sell my soul. Cause I can't say no, no, I can't say no. Then my limbs are frozen, my eyes won't close. And I can't say no, I can't say no. Careful. Step on the glass. Staple your tongue. Bury a friend. Try to wake up. Cannibal class. Killing the sun. Bury a friend. I wanna end me. I wanna end me. What do you want from me? Why don't you run from me? What are you wondering? What do you know? Why aren't you scared of me? Why do you care for me? When we all fall asleep, where do we go? Vous écoutez Affaires sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, l'affaire Jonathan Laval. Notre invité, Nicolas Bastuc, bonjour. Bonjour. Ancien directeur régional de l'Est républicain en Franche-Comté, donc le journal qui couvrait notamment cette affaire, qu'on lit en tout cas à Gré en Haute-Saône. Vous venez de quitter ce quotidien pour prendre le poste de rédacteur en chef adjoint de l'hebdomadaire Le Point. Vous avez couvert l'affaire Laval, vous avez rencontré les parents d'Alexia, mais au moment où l'affaire éclate, vous vous rendez à Gré une première fois, évidemment. Que pensez-vous de cette histoire? Quels sont vos sentiments et pressentiments? Disons que cette affaire, on aurait pu ne pas en parler, oui, en tout cas dans les premiers jours. C'est une disparition d'adultes, comme il en existe beaucoup, tous les jours, et en général, les enquêteurs ne donnent pas suite immédiatement quand un adulte est déclaré disparu. Mais il faut saluer la grande intuition du procureur de Haute-Saône, du procureur de Vesoul, le procureur Dupic, qui d'emblée sent que quelque chose de grave s'est produit et de manière un peu exceptionnelle, enclenche des recherches, saisit la gendarmerie immédiatement et déploie, comme vous l'avez dit dans le papier, le reportage, les grands moyens, battus, hélicoptères et la population qui prête main forte aux militaires. Est-ce qu'on sait précisément ce qui lui a mis la puce à l'oreille? Un élément précis? La personnalité de la victime, sans doute, une jeune femme séduisante, bien sous tout rapport... Et sans doute aussi le récit très éploré et paniqué de Jonathan Daval qui va lui-même déclarer la disparition de sa femme à la brigade de Grès. Oui, on le dit dans le récit, il le regarde un peu de travers, hein, ce Jonathan ou Jonathan, comme on veut, Daval. Les gendarmes, ils sentent quelque chose, il y a une énorme maladresse de sa part quand il vient chez les gendarmes. Il vient comme une victime et peut-être qu'il ressemble déjà à un éventuel coupable, peut-être. Oui, alors ça c'est ce qu'on dit aujourd'hui. Après, je pense peut-être. Hein. Oui, non, je pense qu'au départ la première piste envisagée par le magistrat, le procureur et les enquêteurs, c'est celle du rôdeur peu maniaque, de l'agresseur sexuel qui aurait pu effectivement tuer ou violer Alexia. Et je pense que dans les premiers temps, en tout cas. Jonathan Daval ne suscite pas de suspicion particulière. Alors il y a cette espèce de panique dans la ville. Alors ce qu'on a entendu dans un micro-trottoir, précisons que le micro-trottoir n'est pas un sondage, ça ne veut pas dire que tout le monde avait peur, mais enfin les gens qu'on a interviewés avaient peur. Quel souvenir gardez-vous de cette psychose, évidemment irrationnelle comme beaucoup de psychoses? Oui, la psychose c'est un peu un cliché, hein. Il n'y a pas eu vraiment de psychose, il y a eu une inquiétude effectivement... On prenait un peu soin de ses enfants, on les rentrait un peu plus tôt en se disant que peut-être y avait-il un être malfaisant qui rôdait dans les parages. Mais ce qui a surtout marqué Grès dans ses premiers jours, c'est plutôt la solidarité. Oui. Vis-à-vis de cette famille. Bien sûr. Bien sûr. Chagrin, l'émotion, plutôt que la psychose, même s'il y a eu une inquiétude un peu sourde. Qui a envahi la ville au départ. Comme quoi, il faut bien se méfier des micro-trottoirs. Hein. C'est pour ça que je voulais confronter cela à votre vision plus globale et forcément plus juste. Alors, les enquêteurs ont, on l'a dit, des doutes sur Jonathan au bout d'un moment. Et alors, ce qui est assez remarquable, et on l'a expliqué, c'est la façon dont ils travaillent sans fuite. Ils arrivent vraiment à cacher tout ce qu'ils sont en train d'observer. Ils arrivent à passer à travers les mailles du filet de la presse. Vous vous souvenez de ça? Ah oui, ils ne nous ont pas facilité la tâche. Hein. Ils ont bien fait leur travail de ce point de vue-là et respecté le secret de l'instruction. En effet, assez vite, hein, semble-t-il, ils le disent aujourd'hui, ils ont eu des soupçons à l'égard de Jonathan, mais ils n'en ont rien dit. Cela dit, à partir du mois de décembre, hein, quand les preuves s'accumulaient, la rumeur avait enflé, et pour vous dévoiler quelques secrets de fabrique, beaucoup de rédactions étaient quand même au courant que l'arrestation de Jonathan Daval, la perquisition de son domicile et la garde à vue se préparaient et étaient imminentes. On n'avait pas la date, mais on savait que ça allait se faire dans les semaines. Et comment vous avez traité ça, sachant que la divulgation de certaines informations pouvait gêner l'enquête? On n'en a rien dit, parce que d'abord, les gendarmes refusaient de confirmer cette hypothèse. La procureure de Besançon, à l'époque, c'était une dame... également, hein, observer un mutisme total. Et donc, on gardait ça pour nous et on attendait le déclic. Ouais. Donc, vous étiez sur place, on l'a dit. Vous avez rencontré les parents d'Alexia. Vous leur avez parlé. Quels souvenirs vous gardez d'eux? Qui sont ces gens? J'ai fait une longue interview d'eux, en effet. Après la garde à vue, la mise en examen et le placement en détention provisoire de Jonathan, je les ai rencontrés en face de leur bar, chez un de leurs collègues hôteliers, dans une salle où on était tranquille et on a échangé longuement. Moi, ce qui m'a frappé, deux choses. D'abord, leur humanité, l'absence totale de haine. Ouais. C'était d'ailleurs le titre du papier. La haine, on en est incapable. On n'éprouve que du chagrin. Et puis, même là, alors que les preuves étaient patentes, que la justice avait suivi son cours, que Jonathan était mis en examen, ils semblaient encore avoir peine à y croire. Ils avaient du mal à réaliser que celui qu'il considérait comme un fils, celui que Jean-Pierre Fouillot, le papa d'Alexia, avait dit de lui au moment des obsèques, je souhaite à tout le monde d'avoir un gendre aussi formidable que lui. Donc ils étaient encore sous le choc, évidemment sous le choc de la disparition de leur fille, mais un deuxième choc, celui de la mise en cause de leur gendre, qu'ils aimaient énormément. Double peine pour ces pauvres gens, parce que c'est le malheur qui leur est tombé dessus. Est-ce que vous avez parlé à Jonathan, vous, avant qu'il soit... Non. Je l'ai vu à la marche blanche, j'ai écouté son petit discours. Une phrase quand même nous avait interpellé à la rédaction de l'Est républicain. D'abord, sa gestuelle, ses mimiques. Il grimaçait, il semblait, vous l'avez dit, et la formule est juste, davantage accablé par le sort qu'il attendait que par le chagrin de la disparition de sa femme. Mais cette phrase nous avait interpellé, peut-être que les psychanalystes pourraient en dire quelque chose, quand il a dit « elle était mon oxygène ». C'est un peu curieux. Enfin, nous, en tout cas, cette phrase-là nous a un petit peu surpris. Pourtant, on pouvait la traduire par... Oui, elle était mon souffle, c'est mon souffle. Elle était elle me portait. Elle était non. Qu'est-ce qui vous a interpellé? Je sais pas. Ça m'a semblé bizarre. Bon. Ça m'a semblé bizarre. Bah, d'autant que on savait déjà que Alexia avait été étranglée, qu'elle était morte sous les coups et par strangulation. Donc c'était un peu curieux comme formule. Ouais. Alors, au moment où Jonathan avoue, on l'a vu, tous ses proches se sentent trahis, on vient d'en parler, mais aussi de nombreux habitants. Alors, à ce titre, je vous propose d'écouter une archive dans laquelle le docteur Patrick Adam s'exprime au micro de France 3 sur le profil de Jonathan. Alors, on se sent tous touchés parce que, je dirais, en économie comme en psychologie, faire crédit à quelqu'un, c'est lui faire confiance en faisant le pari de ne pas se faire avoir. Et là, beaucoup de personnes ont le sentiment qu'ils se sont fait avoir quelque part. Enfin, voilà. Mais on a surinterprété également certaines attitudes de l'intéressé. Quand vous voyez quelqu'un pleurer, vous constatez qu'il pleure. Mais savez-vous pourquoi il pleure? Donc c'est vous qui interprétez. Et les personnes se sont identifiées à la victime, à Jonathan, à sa famille. Et c'est pour ça qu'il y a ce tel emballement. Trahison de confiance, en fait. Oui, notre excellente consoeur du Monde, Pascal Robert-Dier, dans un papier, a écrit que c'était une compassion trahie. Et je crois que la formule est très juste. À un moment, on a presque oublié les faits. Et ce que l'on reprochait, surtout à Jonathan Daval, c'était le mensonge, le simulacre, cette comédie qu'il a jouée. De faire croire que sa femme était partie un matin faire un jogging, qu'elle était parvenue alors qu'il l'avait tuée dans la nuit. On rappelle comment. Oui, mais surtout son chagrin, mise en scène, durant la marche blanche, durant les obsèques, le fait d'avoir trahi son monde, d'avoir trahi la population de Grès, d'avoir trahi ses beaux-parents, d'avoir trahi le public. Mmh. Et c'est ça qu'on aura du mal à lui pardonner. Plus peut-être que le crime proprement dit. Alors que le mensonge, en droit, n'est pas répréhensible. Mais c'est ça qu'on retient. Bien sûr. Alors, et puis quelques petits gestes quand même un peu machiavéliques. Le samedi matin de la disparition, Jonathan s'envoie quand même à lui-même un texto à partir du téléphone de sa femme. C'est donc sa femme qui est censée lui envoyer ce texto dans lequel il est dit « Je rentre tout de suite, chérie, je passe chez mes parents ». Donc voilà, toute cette petite mise en scène et cette comédie du chagrin a vraiment frappé les esprits. Alors, plusieurs mois après avoir avoué, Jonathan Daval est enfermé à la prison de Dijon. Lors d'un entretien avec le juge, il aurait changé de version et accusé son beau-frère Grégory du meurtre d'Alexia. Vous avez quelques précisions sur ce point-là? Ah oui, ça s'est passé le 27 juin, donc au cours d'une deuxième audition. Et là, coup de théâtre, Jonathan change radicalement de version. D'abord, il se rétracte, dit qu'il n'y est pour rien. Et plus grave, met en cause sa belle famille, en particulier son beau-frère, donc Grégory Gay, qui est l'époux de la sœur d'Alexia. Il explique que les faits ne se sont pas produits dans la maison du couple, mais chez les parents d'Alexia, au cours de la fameuse soirée raclette, qu'Alexia a été prise d'une nouvelle crise d'hystérie, ce sont ces termes, que Grégory a cherché, donc le beau-frère a cherché à la calmer, et quand il est redescendu, on lui a demandé que s'est-il passé, et Grégory aurait dit, selon Jonathan, j'ai voulu la calmer, je l'ai étranglée, elle est morte. Voilà. Et Grégory a été inquiété ou disculpé tout de suite ? Ah bah il a été d'abord oui, il a, je pense que les gendarmes n'ont pas prêté crédit à ce témoignage, mais enfin ils ont fait leur travail, donc ils ont tout vérifié, ouais. Y compris l'ADN, etc. Et ça a pas dû être agréable du tout d'être bon, ainsi mis en cause. J'imagine. Ouais. Mm. Alors le 7 décembre 2018, il y a la confrontation avec la mère d'Alexia, Isabelle, à l'issue de laquelle il va à nouveau avouer le meurtre. Hein, il craque une deuxième fois. On va écouter la réaction d'Isabelle, donc la mère d'Alexia, au sortir de la confrontation. C'était une épreuve de rencontrer un an après de visu Jonathan. Je lui avais amené une photo d'Alexia et du chien Happy. Et c'est ce qui a permis de déclencher la vérité. En ayant bien insisté sur le fait qu'on l'a aimé pendant 10 ans, que c'était notre fils, qu'on a fait tout ce qu'il fallait pour eux et qu'on l'a toujours aimé et qu'il fallait qu'il se libère de ce carcan de déni dans lequel il était. Et les accusations contre Stéphanie et Grégory étaient tellement odieuses. Donc, voilà, il a avoué, il est revenu. Une belle satisfaction, je crois que je peux le dire quand même pour oui. vous. Oui, oui. Faut le dire. Moi, je suis soulagée, surtout. Voilà. Qu'est-ce que ça vous inspire, Nicolas Bastuc, vous qui avez rencontré les parents d'Axia? Vous l'entendez, pas de haine. Non, oui, c'est ça. Elle ne dit pas cet individu, ce monstre, etc. Mmh. Elle dit Jonathan. Absolument. Elle parle de leur vie, etc. Bah, ça m'inspire beaucoup de respect. Il faut saluer l'action de l'avocat des parents d'Alexia, maître Jean-Marc Florent, qui les avait préparés à cet entretien et qui avait eu l'intuition, parce qu'il n'a pas seulement été confronté à la maman d'Alexia, il a été confronté aussi au père d'Alexia et aussi à celui qu'il mettait en cause, le beau-frère, et puis à la sœur d'Alexia. Et maître Florent avait eu la conviction que c'est la maman d'Isabelle, oui. Maman d'Alexia. D'Alexia, Isabelle Fouillot, qui pourrait peut-être l'amener à dire la vérité. Il leur avait dit « prenez garde à ne pas le heurter ou le braquer ». Et si vous parvenez à faire renaître tout l'amour que vous lui aviez donné et tout l'amour qu'il avait pour vous, alors peut-être qu'il parlera. Et c'est ce qui s'est passé. Et on a assisté à une scène hallucinante. C'est que à un moment, donc effectivement, Isabelle Fouillot, la maman d'Alexia, lui présente une photo de sa fille avec le chat Happy. À ce moment-là, Jonathan se liquéfie, tombe à genoux, implore le pardon de sa belle-mère, et celle-ci le relève et le serre dans ses bras. Tous les avocats qui ont assisté à cette scène ont dit que c'était un grand moment d'émotion judiciaire et qu'il connaîtrait sans doute jamais une telle situation. Est-ce que des zones d'ombre subsistent dans cette histoire ou est-ce qu'elle est dramatiquement claire ? Elle est assez claire. Une reconstitution va intervenir là dans quelques jours, le 17 juin. Mm-hmm. Bon, ce qui subsiste comme mystère, c'est la manière dont le corps a été en partie brûlé. Oui. Mais ça n'a aucune incidence sur le plan pénal. Voilà. Le aussi curieux que cela puisse sembler, il n'y a pas de, c'est pas une circonstance aggravante de brûler un corps. Non. Donc pour la justice, je pense que l'affaire est en grande partie bouclée et que la reconstitution qui va intervenir dans quelques jours en sera peut-être le dernier acte important. Alors le procès. Oui, c'est ça. Donc le procès est prévu en 2020, probablement pas avant. On n'a pas de date, j'imagine, pour l'instant. C'est oui. Courant 2020. Le magistrat envisageait un procès fin 2019, mais le revirement, les rétractations, le coup de théâtre là de l'audition du mois de juin a repoussé de quelques mois sans doute le procès. Et puis peut-être plus s'il y a un supplément d'informations. Enfin, on n'en est pas là. Vous êtes retourné à Grès récemment, non ? J'y suis retourné. En tout cas, vous savez quelles traces laisse l'affaire aujourd'hui encore ? C'est prégnant, c'est alors les gens, esprits. Les gens sont un petit peu fatigués que dans la France entière, Grès soit connu pour ce fait divers triste. Bien sûr. Les parents d'Alexia ont vendu le bar de la terrasse, le bar PMU qu'ils tenaient. Mmh. Voilà, et ils attendent le procès. Merci infiniment pour merci à vous. Toutes ces précisions. Au revoir, à bientôt. Au revoir.